Chapitre 5. J'avais rejoint mes compagnons, mais afin de ne plus les alarmer, je portais mon fusil sur l'épaule, la crosse en l'air. Qu'ils étaient superbes à voir, ces chasseurs de profession, dans leur tenue de chasse, veste blanche, ample pantalon de velours à côtes, large souliers à clous dont la semelle débordait l'empeigne, jambières de toile recouvrant le bas de laine, préférable au bas de fil ou de coton qui ne tarde pas à produire des écorchures, ainsi que je m'en aperçus bientôt. J'étais loin d'être aussi beau sous mon harnais d'occasion, mais on ne peut exiger d'un débutant qu'il possède la garde-robe d'un vieux comédien. Par exemple, en fait de gibier, je ne voyais rien. Cependant que sur cette réserve il y eut en quantité des cailles, des perdreaux, des râles de genêts, puis de ces lièvres de janvier que mes compagnons appelaient des trois quarts, et dont ils avaient la bouche pleine, puis des levraux, puis des hases. Il fallait le croire, puisqu'il l'affirmait. Et même, m'avait dit l'ami Bretignot, évitez de tirer des hases pleines, c'est indigne d'un chasseur. Pleine ou vide, du diable, si je m'en serais aperçu. Moi qui en suis encore à distinguer un lapin d'un chat de gouttière, même en gibelotte. Enfin, Bretignot, qui tenait particulièrement à ce que je lui fisse honneur, avait ajouté une dernière recommandation qui peut avoir son importance au cas où vous tireriez un lièvre. S'il en passe, fis-je observer d'un ton narquois. Il en passera, répondit froidement Bretignot. Eh bien, rappelez-vous que, grâce à sa conformation, un lièvre court plus vite en montant qu'en descendant. Il faut tenir compte de cela dans la direction du coup. Comme vous avez bien fait de m'avertir, ami Bretignot, répondis-je, cette observation ne sera pas perdue, et je vous promets quand j'en ferai mon profit. Et dans le fond, je pensais que, même en descendant, il était probable que le lièvre courrait encore trop vite pour que mon plomb meurtrier pût l'arrêter en route. « En chasse !» cria alors Maximon. « Nous ne sommes pas ici pour élever des débutants en petits pots. » Terribles hommes. Mais je n'osais rien répondre. Devant nos pas, à perte de vue, sur la droite et sur la gauche, s'étendait une large plaine. Les chiens avaient pris de l'avance. Leur maître s'était dispersé. Je faisais tout l'effort possible pour ne point les perdre de vue. En effet, une idée me tracassait. C'était que mes compagnons, naturellement farceurs, n'eussent l'envie de me jouer quelques tours qu'autorisait mon inexpérience. Je me souvenais involontairement de cette plaisante historie d'un novice, auquel ses amis firent tirer un lapin de carton, qui, assis sur son derrière dans un fourré, battait ironiquement du tambour. Moi, je serais mort de honte après une telle mystification. Cependant, on errait un peu à l'aventure, au travers des étheules, en suivant les chiens, de manière à atteindre un rideau qui se profilait à 3 ou 4 kilomètres et dont la crête était bordée de petits arbres. Quoi que je fisse, tous ces marcheurs, habitués au sol difficile des marécages et des terres labourées, allaient encore plus vite que moi, si bien que je ne tardais pas à être distant. Bretignot lui-même, qui avait d'abord ralenti son pas pour ne point m'abandonner à mon triste sort, s'était remis en vitesse, voulant avoir sa part des premiers coups de fusil. « Je ne t'en veux pas, ami Bretignot. Ton instinct, plus fort que ton amitié, t'entraînerait irrésistiblement. » Et bientôt, de mes compagnons, je ne vis plus que les têtes, comme autant d'as de pique qui se détachaient au-dessus des buissons. Quoi qu'il en soit, 2 heures après avoir quitté l'auberge des Rissards, je n'avais pas encore entendu une seule détonation. Non, pas une seule. Que de mauvaise humeur, que de récrimination, que de maugrément. Cela promettait si, au retour, les carniers étaient aussi plats qu'au départ. Eh bien, le croira-t-on? C'est à moi qu'échut la chance de tirer le premier coup. Dans quelles circonstances j'aurais la honte de le dire? L'avouerai-je? Mon fusil n'était pas encore chargé. imprévoyance de novice? Non, question d'amour-propre. Comme je craignais de me montrer très maladroit dans cette opération, j'avais voulu attendre d'être seul pour opérer. Donc, en l'absence de témoins, j'ouvris ma poire à poudre, je versai dans le canon de gauche une charge qui fut maintenue par une simple bourre de papier. Puis par-dessus, j'introduisis une bonne mesure de plomb. Plus que moi. Qui sait? Un plomb plus. Peut-être ne revient-on pas bredouille. Ensuite, je bourrai à crever ma culasse. Et enfin, ô imprudence, je coiffai de sa capsule la cheminée du canon que je venais de charger. Cela fait, même opération pour le canon de droite. Mais, pendant que je bourrais, quelle détonation! Le coup part. Toute la première charge me rase la figure. J'avais oublié de rabattre sur la capsule le chien du canon de gauche, et une secousse avait suffi à le faire retomber. Avis aux novices, j'aurais pu signaler l'ouverture de la chasse dans le département de la Somme par un accident déplorable. Quel fait divers pour les journaux de la localité. Et pourtant, si au moment où ce coup partait par inadvertance, l'idée m'en vint, si dans la direction de la charge, il était passé un gibier quelconque, je l'aurais sans doute abattu. C'était peut-être une chance que je ne retrouverais pas.